feather, wild as sink to bring you joy, wild spread wings when they gather. J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur au canard sauvage. Quoi, le canard, le canard. J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur aux canards sauvages. Les canards, les canards. J'irai à pied jour dans les flaques et j'affronterai les claquettes aux nuages. J'irai tanguer dans le ressac, je narguerai le courant dans les vagues. J'apprendrai les claquettes aux nuages. Les canards, les canards. J'irai bouder au bout du parc et j'apprendrai la samba aux salades. Les canards, les canards. J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur aux canards sauvages. Les canards, les canards. J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur aux canards sauvages. Les canards, les canards. J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur aux canards sauvages.